Le perceur de muraille, une enquête de l'inspecteur Pinson, par Jacques Bellem. Vous avez l'air tout troublé, le léger, fit le chef de garde de Mainville, en s'adressant à un voyageur de petite taille et légèrement bedonnant, qui faisait les 100 pas sur la quai en attendant le passage d'un train. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a, mon pauvre Dubois, que si cela continue, je finirai par perdre la raison. Tout simplement, j'ai encore reçu une lettre anonyme, comme il m'en arrive depuis plus de 6 mois, et cela ne peut pas durer ainsi. Avez-vous prévenu la police? Bien entendu. Mais ils ne découvrent rien, et ils comprennent encore moins. Alors, ma foi, j'ai résolu d'aller à Paris, voir la sûreté, si l'on peut me venir en aide. Sinon, je vais charger une de ces agences de location de Mainville de me louer ma maison. J'en ai d'ailleurs parlé à l'un des agents de location ce matin même. Attendez donc, le léger. J'y pense maintenant. Il y avait autrefois un monsieur qui venait régulièrement voir sa vieille mère une fois par semaine. Il n'y vient plus depuis qu'elle est morte. Mais je vais vous donner son adresse. Il aime à découvrir la solution d'affaires criminelles, et plus elles sont enveloppées de mystères, plus cela lui plaît. C'est lui qui a découvert la vérité sur la mort de Dimitri Tcherkov, vous savez bien, cet agent secret de la police russe, assassiné par des terroristes à quelque distance d'ici, sur la ligne. Je dois avoir son adresse dans mon calepin. Tenez, la voilà. Pinson, Villa des Fleurs, à Château. Consultez-le. Il vous donnera sûrement un bon conseil. Vous lui direz que vous venez de ma part. Le léger remercia vivement le chef de gare et partit par le premier train pour Paris, d'où il gagna ensuite Château et il eut vite fait de trouver la demeure de Pinson. Entrez, entrez, monsieur, fit le policier. Et Dubois est un vieil ami à moi et ses amis sont mes amis. Voyons, de quoi s'agit-il ? Car je pense bien que s'il vous adresse à moi, c'est pour quelque affaire intéressante. En effet, il n'a pas oublié l'affaire de Dimitri Tcherkov, et il m'a dit de venir vous trouver. Oh, ne parlons plus de cela. C'est de l'histoire ancienne, répliqua Pinson avec modestie, mais vivement flatté au fond, dans son amour-propre. Allons, dites-moi ce qui vous amène. Voici, monsieur Pinson. Il faut que vous sachiez d'abord que je suis retiré des affaires, après fortune faite dans le commerce des denrées alimentaires. Vous étiez épicier alors ? Oui, établi à Paris. Nous voulions, ma femme et moi, nous retirer à la campagne, mais après mûre réflexion, nous préférâmes choisir une petite ville de province et fixâmes notre choix sur Mainville, où nous comptions quelques amis, Dubois entre autres, qui nous indiqua plusieurs terrains à vendre. Nous voulions en effet faire construire une maison bien à nous, avec tout le confort moderne. Il y a de cela exactement 2 ans. Nous avons donc fait l'acquisition d'un terrain et j'ai fait bâtir ma maison qui est mitoyenne avec 2 autres. Nous préférions avoir la façade sur la rue et le jardin par derrière, afin d'éviter l'indiscrétion des passants et parce que j'aime à faire du jardinage à l'abri des regards des gêneurs. Voilà un point sur lequel je partage votre opinion, car je vous avouerai que je suis moi aussi un fervent de la bêche et du sécateur, monsieur le léger. Alors, vous me comprenez? Eh bien, figurez-vous que depuis 6 mois environ, nous sommes installés depuis un peu plus d'une année, je reçois par intervalle des lettres anonymes de menaces, nous enjoignant d'avoir abandonné notre maison et de quitter le pays, ma femme et moi, si nous ne voulons pas encourir les pires traitements. Quelques voisins jaloux, peut-être? Je le pensais d'abord, car j'ai cultivé des légumes qui ont merveilleusement réussi et que je comptais envoyer à l'exposition d'horticulture. J'avais appris qu'un jardinier horticulteur qui habite non loin de moi se montrait très envieux de mes produits. C'était toutefois là de la médisance, comme je puis m'en assurer dans la suite. Depuis quelque temps, ces lettres de menaces se font de plus en plus fréquentes, et ma femme et moi, nous en avons perdu le boire et le manger. Nos plaintes à la police locale n'ont amené aucun résultat. Et nous étions décidés à louer notre maison et à quitter Mainville si cet état de choses ne venait à cesser. Or, voici qu'une nouvelle lettre anonyme me parvient encore ce matin même, et sans plus tarder, je résolus de m'adresser à une agence de location de la ville. C'est après seulement que Dubois eut la complaisance de m'adresser à vous, et je suis venu aussitôt. Vous avez cette lettre sur vous, la voici. La lettre était conçue en ces termes. Alors, vous dédaignez mes avis précédents? Vous cherchez à nous mettre au défi, moi et ceux qui m'obéissent? Je ne puis m'empêcher d'admirer votre courage, mais je vous jure que paraître mérité vous coûtera cher. Pour la dernière fois, je vous engage, si vous tenez à votre vie et à celle de votre femme, de quitter ma ville pendant qu'il en est temps encore. Fuyez, ou vous vous exposerez follement à de terribles représailles. » Cette dernière phrase avait été tracée à l'encre rouge, et le léger insista sur ce dernier détail qui prouvait les instincts sanguinaires des mécréants. « Maintenant que vous connaissez l'affaire dans tous ses détails, ne pensez-vous pas, monsieur Pinson, qu'il est révoltant qu'un brave homme, qu'un paisible commerçant retiré, soit ainsi troublé dans sa quiétude par de pareils bandits ? Vous ne vous connaissez pas d'ennemis personnels ? Aucun. Même du temps, vous étiez dans les affaires ? Non, je vous assure. Eh bien, monsieur le léger, je ne suis pas très occupé ces jours-ci, et si vous voulez bien, nous allons partir tout de suite pour Mainville. Je désire, avant de vous rien dire, voir les choses sur place. Et s'il y a un moyen quelconque d'éluder ce mystère, je crois pouvoir le faire. Ah, puissiez-vous dire vrai ? Ma gratitude et celle de ma femme vous sont assurées d'avance. » Comme les deux hommes arrivaient à Mainville une ou deux heures après et se dirigeaient vers la maison de Le Léger, ils croisèrent en route l'agent de location d'immeuble. « Ah ! » fit celui-ci. « Je suis heureux de vous rencontrer. J'allais justement chez vous. Pourquoi donc ? J'ai un locataire pour votre maison. Comment ça ? Mais oui. Figurez-vous que votre annonce avec la photographie de la maison était à peine dans ma vitrine depuis deux heures qu'un client s'est présenté. Un monsieur très bien, qui désire se fixer à Mainville. Son médecin lui a recommandé du repos car il souffre de neurasthénie, due à un trop grand surmenage. Et il n'a pas cru pouvoir trouver mieux qu'ici, avec les bois tout proches et la rivière où il pourra se livrer à la pêche, son sport favori. Je lui ai fait aussitôt visiter la maison qu'il trouve à son gré. Le jardin lui plaît beaucoup aussi, car il adore le jardinage et promet, durant sa location, de s'occuper avec soin de toutes vos plantations. Et à quel prix ? Son prix sera le vôtre. Il est riche et ne regarde pas l'argent. Mais c'est parfait. Et bien fait pour le mieux. Je vous recommande pourtant de lui demander des références. C'est entendu. Et ce monsieur s'appelle... Il m'a donné sa carte que voici, le baron des Riels. Pendant ce colloque, Pinson s'était discrètement tenu à l'écart. Le léger ayant quitté l'agent de location, le rejoignit. « Hein ? Croyez-vous que voilà une aubaine ? Je trouve à louer ma maison. » « C'est en effet une aubaine, monsieur le léger. Et il ne me reste plus qu'à retourner à Paris puisque vous prenez le parti de quitter Mainville. » « Pas si vite, monsieur Pinson. Je partirai d'ici, je n'abandonnerai ma maison que s'il n'y a aucune solution au mystère qui m'occupe. Et d'ailleurs... si les références de ce monsieur n'étaient pas satisfaisantes, je ne l'aurais pas. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir le premier venu chez soi. Alors vous désirez toujours que je prenne en main votre affaire ? Mais plus que jamais. Mes craintes sont toujours les mêmes, et j'espère que vous voudrez bien rester avec nous pendant quelques jours. Je ne vous promets rien, nous allons voir. On arrivait à destination, et Pinson prit bonne note de tout ce qui environnait la maison et surtout des habitations avoisinantes. D'un côté se trouvait une maison bourgeoise et de l'autre un immeuble de trois étages dont le rez-de-chaussée était occupé en boutique par un bijoutier. Il y a longtemps que ce bijoutier est installé là ? Non, un an environ. Il était auparavant dans une autre rue, mais on l'a exproprié et il est venu s'établir ici où il achetait l'immeuble. C'est le principal magasin de bijouterie et de joaillerie de la ville. Pinson ne dit rien mais se contenta de sourire. Peu après, il fut présenté à Madame le Léger, à qui son mari fit part du but de sa visite, et aussitôt, ils examinèrent la maison de fond en comble ainsi que le jardin. Tout en causant, Pinson apprit que le futur locataire était le baron des Riels. À ce nom, il se mordit les lèvres pour cacher un sourire, puis il promit de rester un jour ou deux, mais demanda qu'on voulût bien lui confier une clé de la maison, car il désirait faire quelques investigations en ville et ne voulait pas déranger ses hôtes à tout instant. « Cela se trouve bien, » fit le léger. « Justement, nous en avons trois. » Pinson demeura deux jours à Mainville, et tandis qu'il déjeunait avec ses hôtes le matin du troisième, ceux-ci lui demandèrent s'il avait du nouveau. « Rien encore, » répondit-il. « Ce n'est pas comme moi, » répliqua le léger. « Je viens de recevoir les références du baron des Riels. Elles sont excellentes et il est prêt à entrer en possession, aussitôt qu'il nous sera loisible de partir. Il accepte mon prix de location. Qu'en pensez-vous ? » À mon avis, vous devriez accepter sur le champ. Car je crois l'affaire bien difficile à élucider, je n'ai aucune piste en vue. Oui, mon ami, partons, interrompit Madame le Léger. Je t'en prie, nous trouvons une bonne occasion, il faut en profiter. Alors, puisque c'est aussi l'avis de notre ami Pinson, voilà qui est entendu. Et aujourd'hui même, je signerai l'engagement de location avec le baron. Il ne me reste plus qu'à me retirer, fit Pinson, en regrettant de n'avoir pu résoudre ce mystère et en vous remerciant de votre aimable hospitalité. mais c'est nous, au contraire, qui devons vous remercier d'avoir quitté vos affaires pour nous venir en aide. Vous avez fait de votre mieux, monsieur Pinson. » L'inspecteur prit congé de ses hôtes, et se dirigeant ostensiblement vers la gare, il tourna soudain dans une rue avoisinante, puis, faisant un crochet, revint sur ses pas, gagnant le centre de la ville. Il eut vite fait de retenir une chambre dans un hôtel de modeste apparence, où il demeura 3 ou 4 jours sous un faux nom. Il prétendit être souffrant et gardait la chambre toute la journée. Le soir seulement, il sortait, sous prétexte de prendre un peu d'exercice. Il se rendait en réalité aux environs de la maison des Leléger, désireux d'apprendre si ceux-ci étaient partis et si le nouveau locataire était en possession de l'habitation. Satisfait sur ce point, quelques jours encore, il resta bien tranquille dans son hôtel, mais quelqu'un qui l'eût suivi la nuit venue eut pu le voir s'approcher de la maison du baron Derrielle, alors que toutes les lumières étaient éteintes, et appliquer l'oreille au mur extérieur donnant sur la rue. Il fit ce manège pendant une semaine environ, quand un soir il se rendit au bureau de police et demanda à parler au commissaire pour affaires urgentes. Celui-ci le reçut assez mal, n'aimant pas à être dérangé si tard, mais il n'eut qu'à décliner son nom et ses qualités pour apaiser le commissaire. « Je viens pour l'affaire des lettres anonymes adressées à Leléger. Et vous avez trouvé une piste ? » interrogea le commissaire un peu narquois. « C'est tout trouvé. Je vous demandais seulement de mettre 2 agents à ma disposition, avec plaisir, et de vous tenir, vous, votre secrétaire, en permanence au bureau de police pendant 1 heure ou 2. Vous comptez donc sur une bonne capture. De premier ordre. Un gredin recherché par la police pour 3 ou 4 affaires criminelles et qu'on n'a jamais pu pincer jusqu'à présent. Je vais vous donner 2 de mes meilleurs hommes, 2 solides gaillards. » Le commissaire, sans en rien dire, était vexé de l'intrusion d'un inspecteur de la Sûreté de Paris dans une affaire locale qu'il n'avait pu résoudre. Il avait du reste encore sous le cœur le succès de Pinson dans la découverte de l'assassinat de Dimitri Tcherkov, alors qu'il avait cru lui-même à une mort accidentelle, et il souhaitait sincèrement que Pinson ne réussît pas cette fois. Mais il était obligé de lui donner aide et assistance. Aussi commanda-t-il à 2 agents d'accompagner l'inspecteur et de lui obéir en tout point. La nuit était très obscure et il était près de 11 heures quand les 3 hommes approchèrent de la maison Leléger. Pinson avait donné ses instructions aux agents. Ils devaient faire le moins de bruit possible et le suivre pas à pas. Arrivé à la porte d'entrée, le policier prêta encore l'oreille quelques instants, puis, satisfait d'un bruit sourd qu'il avait perçu, il introduisit lentement dans la serrure la clé que Leléger lui avait confiée et la porte tourna sur ses gonds. Pinson avait une petite lanterne électrique de poche et, marchant devant, éclairait la route. Il connaissait, pour y avoir habité, tous les tours et détours de la maison, les tenants et les aboutissants, ce qui lui permit de se diriger sans crainte. Les agents n'avaient qu'à le suivre. Avec des précautions sans nombre, tous 3 traversèrent l'antichambre, longèrent le couloir sur lequel s'ouvrait la cuisine et se trouvèrent devant l'escalier qui conduisait au cellier de la maison. Ici encore, ils descendirent sans bruit et pénétraient bientôt dans la cave au mur de briques. Tous 3 percevaient maintenant des coups sourds et étouffés. De temps en temps aussi, on entendait dans le lointain des fragments de pierre ou de plâtras qui tombaient sur le sol. Pinson, le dos au mur, avançait lentement, s'éclairant de sa lanterne qu'il abritait de la main pour ne pas donner trop de lumière. Il s'arrêta soudain et désigna du doigt aux agents un trou dans le mur de briques suffisant à permettre à un homme d'y passer. Les coups résonnaient toujours, mais bien que plus distincts, on pouvait se rendre compte que le son venait d'une certaine distance. Celui qui travaillait ainsi était, du reste, absolument ignorant de la présence des 3 hommes de police. Des porte-bouteilles se trouvaient dans la cave. Pinson y prit une bouteille et la lança toute volée par le trou béant en ayant soin d'éteindre sa lanterne électrique. Un bruit de verre brisé se fit entendre, les coups cessèrent de résonner, et les 3 hommes s'accroupirent auprès du trou de mur. Quelqu'un marchait maintenant de l'autre côté de la muraille, et quelques instants après, les puissantes poignes de Pinson saisirent une tête qu'elles attiraient, tandis que des cris et des jurons éclataient dans le silence de la nuit. « C'est pas la peine de lutter, Beaublon, tu es pris, et bien pris cette fois !» Le corps, à demi sorti de l'ouverture béante, cherchait bien à se débattre, mais en vain. Les 2 agents l'avaient empoigné et paralysaient ses mouvements. Pinson donna de la lumière avec sa lanterne de poche et passa le cabriolet au poignet du bandit. « Ça y est, je suis fait !» s'écria le Bourblon. Vous m'avez cette fois, monsieur Pinson. Aussi, cette idée d'avoir pris le nom du baron d'Eriel, le même que tu avais pris déjà à Amiens, ce n'est pas fort. Que voulez-vous ? On ne pense pas à tout. Et Thomas, dit le beau blond, alias baron d'Eriel, marcha docilement entre les deux agents et suivi de Pinson jusqu'au bureau de police où sa capture surprit tout le monde, à commencer par le commissaire. Monsieur le Léger et sa femme, rappelés en hâte par un télégramme, purent réintégrer leur habitation et Pinson leur assura qu'ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles et recouvrer le boire et le manger qu'ils avaient depuis quelque temps perdu. Aucune lettre ne viendrait plus troubler leur quiétude. Le procès du Boblon fit découvrir toute la vérité et démontra une fois de plus la perspicacité de l'inspecteur Pinson. Celui-ci, en examinant les abords de la maison Le Léger, avait de suite remarqué la mitoyenneté qui existait avec l'immeuble du bijoutier et pressenti un coup de perceur de muraille. Il en fut absolument certain quand il apprit que le locataire, si pressé d'entrer en possession de l'habitation, n'était autre que le baron d'Eriel, un des nombreux alias d'un repris de justice recherché depuis longtemps par la police. C'était lui qui avait envoyé les lettres anonymes dont les époux Le Léger s'étaient montrés si effrayés, car il méditait son coup depuis longtemps. Les Le Léger, agissant sur les conseils de Pinson, avaient loué leur maison à ce bandit, et l'inspecteur n'avait plus qu'à attendre patiemment quelques jours pour permettre au Boblon de se mettre à l'œuvre et de le prendre en flagrant délit. On sait le reste. Ainsi s'achève Le Perceur de Murailles, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.